loba biso le solo ya porte parole opposition toza kunate parce que ce qui te ponie cela veut dire toza ko légitimer pouvoir ya président Félix Tshisekedi. Le cardinal Ambongo tango zo sa la présentation kuna na Italie à le Bakinin côté au pouvoir le président Félix s'est excusé à Tindi Mutai ko représenter yi. Ce que na se sanga dans le grand Kassai, il pèse. Mais bien nous avons qui voit ta lobby bandoun. Yo lobby yo osa ya bandoun. Vous êtes lobby yo bandoun. Donc botika ni kaka le lokwa nde bozo be le banaka, ça n'ira pas. Henri Lokondo c'était le seul qui donnait de grandes propositions pour la sauver Mboka mais oyo bazai ko torpiller na FCC. Talaka ndele ba pekisa ki azala candidat na Assemblée nationale. Mais pour nous par rapport à la haute, il y a miné, il y a un rebelle, il y a un salaire à ma bé. Et Wanga, c'est quelqu'un qui est vierge dans le dossier. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé au Zalandeko na Londres. Pesaye sango y agence de prêt, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona ko zwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini, motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisate Kafrex otindi miliki e komi peba meli yo ozala nord to sud ya Angleterre benga biso na ba numero oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59 Kafrex ezala Angleterre tina Écosse Kafrex et Salakape fret aérienne avec plus de 15 ans dans le business Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Voilà Tolobili Soussou. Merci Nabatonyonso. Spécialement Namutumoko Aoutaki Kouede Bisso na partie matérielle Monsieur Perrin Toumba. En tout cas, c'est ça. Na monique au Congolais, comme vous avez conscience, c'est que ce qui te misali si biso mon côté, mon tokoya ko aider biso azate. To zwa ki bel et bien matériel wana Perrin Toumba. To zu yango et puis tozo sale la yango. Ba mususu, vous pouvez imiter comme Perrin Toumba l'a fait. Tant au matériel les oko bakisama, to ko yuko sala musala ndenge bino bolingaka. En tout cas, merci beaucoup, Nandenge, caméra est komaki, micro est komaki, biloko nyonso est komaki, yasika na sache, Perrin Toumba et Sika Ozali, merci mingi. Voilà. Awa, to utaki kolanda, na makambo etali porte-parole ya opposition, to lobi nani akoza la porte-parole ya opposition. Est-ce que Eza Katumbi Moïse? Est-ce que Eza Mbemba Gombo? Est-ce que Eza Fayulu Madidi? Nani Akozalakuna? Olivier Kamitatu? Pierre Lumbi? Muzito? Nankombo na yakati nde na yebakate. Nani akozala porte-parole ya opposition? Nde analyse na biso ya lelo. Eloko ya liboso na lingi na loba na landi déclaration ya Kivuata maître avocat qui voit ta azoloba biso li solo ya porte parole opposition toza kunate parce que ce qui te ponie cela veut dire toza ko légitimer pouvoir ya président Félix Tshisekedi. Moi je dis en tout cas na kanisa kaka film to landaka na ba télévision za na distraction na e ba rater que ba toupé scientifique ba ko proposer biso distraction. Est-ce que vraiment Steve a réfléchi? Steve croit que hier Mouzito n'a failli nous débarquer légitimer le pouvoir na Congo. Mais le peuple qui se reconnaît na kati ya président Félix, pour na bango non. Professeur Matungulu, Oyo, à reconnaître, il n'y a que Steve qui voit ça, na Mouzito, na failli Bango de bazo monangote. Mais Mbemba Gombo était allé Bamba Kayena, président Félix, à Ona Kishasa. Tant que Kendeki, à Kendeki ko, Nandako privé, toi Kendeki na bureau. À Kendeki na bureau. Tant que Kendeki na bureau, parce qu'il y a eu que Mokonzi Wana. Mais tu connais pas. Tout le cataba imagine tout la Xabino que parfois distraction n'a bien au comme Mabé. Bah, pays où ceci qu'a fait Félix Azoko Kenebao, tu as tapis rouge. La Nigina tient dis entretien entre le président Félix et Poutine. Président Poutine. Tant il ne faut pas à Roko Bakuna. Parce que ce qui est qu'on a d'abord qu'on samba na immigration. Service on a samba ça y est, on sale ligne et après ce qui est qu'on a à vous faire dans un hôtel moro boyé à côté la caca en dengue Kremlin et Zali Piazong. Et c'est celui-là que vous pensez que à partir de lui vous allez légitimer un pouvoir. Franchement, vous êtes sérieux? Tant que Moïse Katumbi dans le discours, il y a un président Félix, Kumba Kumanza, Bagro, Bapalour. Fayou ne pèse pas, s'il vous plaît. Parce que Baganyaka a une élection na Ndeko Eliezer na Lukunga. Il ne pèse pas. Azala ki kosala ki vantar na katia ba combattant militant ya MNC, na oye ensemble, plateforme ensemble. Tango batula batula bendi batula batuna bango asuka ki na kalu ke pia ye kusuka na makala. Vous pouvez imaginer soko zui ba video nyonso ya Fayulu zo tandango na ya Mouzito na ni na bino baki vuata biloko bozala koloba. Est-ce qu'on peut vous prendre sérieux? Ba contradiction yo bozala kanango, est-ce qu'on peut vous prendre sérieux? Tango yo oza juriste, oza avocat. Loko ba bengi porte parole opposition, eza constitutionnel. Pour que ezala, on n'a pas besoin de vous. Ce n'est pas un groupe de gens qui va dire oh, ezalate. C'est pas vous. Ah non. Bon, vous avez un dossier dans ma pangue, vous avez un dossier pour défendre. C'est un conseil. Le problème, il nous revient à nous, Congolais, de savoir on va élire qui? On va choisir qui? C'est-à-dire, ce sont les opposants qui se mettent ensemble et qui choisissent un seul qui va les représenter. Donc, ça, là, peut-être, vote. Qu'on n'est pas un abino moko ou bien consensus moko. Steve qui voit. Les députés, Oyo Yalamuka, Bazaba opposant à l'Assemblée nationale, à la Sénat. Vous allez légitimer quoi? Le cardinal Ambongo, tant que c'est la présentation qu'on a en Italie, à l'Obakinini, côté au pouvoir, le président Félix s'est excusé à Tindi Mutoye qu'on représentait hier. Madame Janine Mabunda. à quel côté opposition à lobby Fayulu attendu mutaliboso aza opposant Fayulu azanga ki moya kofinga pour Fayulu à l'obaka bêtise contre pasteur à Philadelphie le fait d'avoir appelé le président Félix président de la République Yakato Sambela pour la présidente de la République. Il a dit des bêtises. Il n'a pas réussi à dire des bêtises envers Mbongo, le cardinal, qui l'a présenté Père Arthur le Boko Licolo, opposant. Fayulu n'a pas dit non. Parce qu'il sait, il est maintenant opposant. Il le sait. Ce n'est pas ton passage à la télé qui voit que ça va changer. Oh, c'est ton salibre écolégitime. Non, Bozako banga parce que Fayulu ne pèse pas comme Katumbi, Fayulu ne pèse pas comme Mbemba, Fayulu ne pèse pas comme Muzito, Fayulu ne pèse pas comme quiconque. Fayulu même a coquille pour gagner à ta Francis Kalombote. Alors, est-ce qu'un conseil, mon cas, question, ce qui te commis qu'on développe à l'Okouta et sa personnalité à l'Okouta pays et qu'on molati. Ça, vous savez bien que même si vous comparez, n'a fallu le temps, même si vous avez dit. Je suis là. Je suis là pour porter parole. Surtout, M. Mbemba, Jean-Pierre, au départ, à Zala qui est rebelle, bien sûr, à Kangaki Équateur, n'a parti Mounene avec Sangane. À Gérard comme président, il a parti Ouana. A Jeraki Bank, a Jeraki ba régie financière nyonso, a Jeraki armée, police nyonso, zaki wana zaki aye. Et il est devenu vice-président de la République na mboka oyo Mbembo. Et puis aye ko sala parti politique na ya sala ki wana ya MLC, eza parti politique munene, eza partout au Congo. Et puis awa outa ki prison a komi candidat ba invalidé ye mais tango akita ki Équateur foule yaki a sali meeting akiki sangani foule ye a sali meeting c'est-à-dire aza capable ya koloba na bato bayoki wane za Mbemba to tie pembeni Moïse Katumbi a Mazembe pesa ye lokumu ebele aye koyeba na makasi pona ekipe ya Mazembe. Mazembe za deuxième équipe en Afrique na niveau ba titre. Moïse ayeko koma gouverneur ya Katanga ayeko yeba na lisusu parce que Moïse azaki na meeting soki ya bengi batu bakoya ebele bayeko yokaye. Moïse ayeko sala que azui batu na kishasa facilement o bakota ki na ensemble lelo azo sala tourner batu bazoya azo solana bango à travers des provinces. Donc, tozu Moïse Katumbi to tchepe men. Lorsque tu es kozua Muzito, avant à comme candidat président de la République, Muzito tant azalaki ko sala tour na bandundu, azokende na Kasai, azalaki ko ya koza ko sang sabato e belé, peut-être abomi batwana lelo de fait ya kobundisa Félix. Mais ce qui a arrangé, akoko zonde là, azana bato bakolanda ye Muzito. Mais Fayulu te, pardon. Parce que si dit, il m'a dit, il m'a dit, selon ma propos, tout ça, qu'on y a, bah, tu es ensemble, bah, zali na ba gros poisson et belé. Pierre Lumbi a zalwa. Kamitatu a zawana. Moïse Katumbi a zawana. Denis Essang a zawana. Claude Luba a zawana. Soto zu batuana. Naba ewanga baza na kati c'est que batwana bazo pesé c'est très important soto ki côté Mbemba zali ye moko apesa kanabor makasi et puis ça na batoyo bayibi pe ko le lokola ba bazaiba baza kuna na kati ba fidèle babala baza kuna na kati. Aza na ba mbonzo wa mbonzi, baza na kati, aza pe na ba MLC implanté partout, c'est que il pèse. So que na se sanga dans le grand Kasai, il pèse. Ici à Kinshasa, il pèse parce que c'est un génie, c'est une tête. Fayulu oyaki kobima neti mutu wa makasi a travers batu ya batu eza lokola bapeshe mutuka otambola nango en rodage okomi kotiela ngo ide keza ya yo tango rodage esili mukolo mutuka récupéré ozongi na velo. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le coquille qu'on rassemble batou mille thé. Ça c'est clair. Et puis au Tikali, on a un groupe tribal. Et quand on boit la thé, il faut l'ongona et l'okoana. Tala, matungulu, à quoi que ce soit, n'abicole nyonso, n'abé tribu nyonso. C'est ça un homme d'État. Mais bien vous avez qui voit ta lobby bandund yo lobby oh vous avez bandund vous êtes lobby oh bandund donc botika ni kaka ne lo ko nde bozo do bolo bana kat ça n'ira pas. Alors biso toningi to proposer bino ngambo kuna opposition ya que bon solo la très bien bon na porte parole et raté tendenge raté qui na période Kabila Zaki chef de l'État. Pourquoi? Parce que Batu ya Kabila basa yiko korompre batu po bako mabango wa chef ndengana. Rappelez-vous, le dernier en date yazaki Tshibala. E komplika ki makasa opposition mwaye etele ma yazaki difficile. Bo yako ye balisu su trouble e kota ki le fait que Kabila ayambaki l'ingénieur yayi de pense ingénieur ya matata Alinga qui va salaire premier ministre Mubaki, Valentin Mubaki. Tant que Kabila yambaki, nde yeko sala ke relation et yeko koufa na kati ya IDPS. Mais maintenant là, bino kana bino possibilité wana ya ko corrompre bino et côté là ki bino lokola ba corrompre ke lisusu ba député ya IDPS na makambo ko pona ba sénateur parce que la mukande l'équipe ba gouverneur rebere côté FCC. To yebi ke FCC à ça la corruption pas nabino. Mais vous pouvez oublier ça, vous mettez ensemble pour choisir. Maintenant, biso tozolo baboy. So bolingi bino ba ton position bino nyonso na population. Bo pona mutu na batu nyonso toza kotanga awa, biso to proposer boko tana audit. Audit wana ezala ke botala candidat tel azala ka chef bona boye. Asala nini na ki chef na ye. A detournaki bokomi. Aibaki bokomi. Abomaki bokomi ango. Asalaki bona bokomi. Comme ça, bo banda ko éliminer de l'intérieur. Batunio so bazana ba problème. Il a beaucoup de dossiers. Et puis il n'a pas bien géré. Ça c'est clair. Il y avait un semblant de gestion. Batouaza ko confondre ma zembena gestion. S'il avait bien géré Katanga Lingaki ezala likolo. Lelo Oyo, parce que c'est la province la plus riche en ressources. Sur Zimbemba, espace Union Soya dirigea qui est Équateur, qui partait à Kisangani, il avait encore mal géré. Et aujourd'hui, ils ont un problème parce qu'ils ont un procès dans la famille pour la gestion. Sur Tolandi de près, beaucoup de talent entre Mbemba et Katumbi, Nanya Koki, selon Mabé Asala Kokotikala. Mais proposition à la Zanango, c'est bien de choisir quelqu'un qui n'est pas trempé dans les magouilles. Qui n'a pas été trempé dans la bilo kounyon soit pam pamba oyo. Sauf que l'on dit de près, Fayulu est éliminé, Mbembe est éliminé, Katumbi est éliminé. Olivier, non, Olivier a une forte personnalité. Alors, il y a un français bien ici, mais ce n'est pas un grand politicien. Le coup de porte-parole, il y a quelqu'un capable de porter la voix de l'opposition. Face au pouvoir, moi je trouve Nazana Bakombo ya Batumi Satu, mais tout qu'on va analyser. Bertrand Ewanga a koko sala musala wana. Mais il n'est pas trop ouvert. Vous voyez? Si bien qu'il a travaillé avec Kamere et tout le reste, mais il n'est pas, on ne sait pas. Mais pour nous, par rapport à la haute, il y a miné, il y a miné, il y a miné, et Wanga, c'est quelqu'un qui est vierge dans le dossier. Il n'a pas été trempé dans les magouilles, il n'a pas été dans les assassinats, il n'a pas été dans les détournements, non. Denis Essanga. Et puis, Henri Lokondo. Maintenant, le problème de Henri Lokondo, c'est que Henri Lokondo, c'était le seul qui donnait de grandes propositions pour la conserver un bon camé. Il y a un torpillé dans la FCC. Il y a un peu qui est un candidat à l'Assemblée nationale. Mais ce qui m'étonne chez lui, ce qui me déçoit, c'est lui. Et ça, c'est que, est-ce qu'il n'est pas là pour l'argent? Pourquoi il est toujours là? Pourquoi il ne pouvait pas se détacher, être dans l'opposition et être un ressortissant de l'espace grand Équateur? A koka ko brigé mandat oye koya kuna soki élection ye asa la candidat président parce qu'il a de belles idées, il sait analyser les choses. Le FCC, alors si parfois les Français disent ce qui se ressemble s'assemble, et si katoza na kobanga yango wana, il peut être porte-parole, mais comme il est adepte de l'FCC et il ne sait pas partir de l'FCC malgré ma belle FCC ye, en tout cas on l'élimine. Nandeng batika liberté wanga na Denis Essanga, moi je propose eza loati Denis Essanga ayebi koloba azana notion, c'est quelqu'un qui sait même regarder même ba proposition azoko mema pour que la république change, pour que la constitution soit touchée, parce que constitution tozana ngole loyo ba salaka yango juste pour Kabila. Le loyo ezo compliqué Kabila yemoko vie tango alongwe. Parce que l'article 220 qui était verrouillé, et c'est comme ça que les lois ont été retrouvées, les bandes, les lois qui ont été constituées, ils ont été comme ça, et comme une belle, ils ont été comme ça, ils ont été taillés les lois. Ne pas chercher un porte-parole de l'opposition, ne pensez pas que vous détruisez Félix, au contraire, et qu'on aide Félix Makache parce qu'il n'y aura personne pour les secouer. Cherchez un vent nouveau. Batonyo soto tangi tangi o Katumbi o Pierre Lumbi o ba Bambemba o banini mutu moko te ale ka porte parole bozo amano yo Denis Essanga. C'est notre proposition à prendre ou à laisser, parce que Francis Kalombo il a aza koloba vraiment, il parle de la politique, il est arrivé à écrire et publier, mais azana luna ancrageté. Il ne peut pas rassembler des gens, lui. Lui, c'est un garçon qui peut accompagner d'autres. De telle sorte que sur Bazui, Denis Essanga, et c'est Sanga, a commis porte-parole, il peut faire une équipe où il est accompagné na Batuloko, na Bambonze, Bambonze, ba Francis Kalombo, on cherche le Jacques Ndala, on met là-dedans, le Ezer Ntambwe, ba équipe moko ya ba jeune, Oyo, Bayebi ko tenir terrain. Bana sikoyo bako zala l'interface ya pouvoir. Parce que le président Félix l'a demandé et le veut de tout cœur pour que la République ait marché normalement. Mais ko zongela na bato yo na sali analyse et ça perte ya temps. Pourquoi? Moïse est un homme d'affaires, Mbemba est un homme d'affaires, Mufayulu c'est un commerçant, Muzitu c'est un affairiste. Bonjour bateau yo vent nouveau makambo kende liboso. En tout cas, merci pour na koyoka biso. Bosa abonné encore makasi papa. Bosa la biso plaisir tokota avant décembre si le tozala na 30 000 abonnés. Papa, maman, au fandi na Royaume-Uni, topé au Zalande kona Londres. Pesa e sango ya agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van e zakoya na ndakuna yo na Angleterre, pona ko zwa biloko, ko tinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini, motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisate Cafrex otindi miliki e komi peba meli yo ozana nord au sud de Angleterre benga biso na ba numero oyo 00 44 747 48 01 087 00 44 74 66 43 67 59 Cafrex ezana Angleterre tina Écosse